que c'est un spécimen. Elle sait comment s'y prendre, elle fait mal à la tête. Le genre de femme que tu ne pourras rendre bad personne. La rivalise personne, peut la toucher personne, la fait tomber. Tu sais bien que personne peut la comprendre personne. C'est comment faire personne peut l'approcher. Partout où elle passe, elle se fait jalouser. Elle a le truc qui leur fait effet. Elle sait bien qu'elle a tout pour les chambouler. Elle c'est une bombe, c'est une chétana. Elle prend ton cœur juste pour la night. Pas de lendemain, elle sera pas là là. Elle va te cadencer pour la night. Elle sait jouer de son camp mieux que personne. Elle sait faire tomber tous les hommes. Elle sait pinta, s'en fout de ce que disent les autres. Elle sait manipuler tous les hommes. Oh baby drip drip, attends les gros chiffres. Mais dans la suite elle finira seule. C'est un vrai missile, elle esquive les outils. C'est son corps de diable qui fout grave le seum. En un seul regard, elle les met à terre. Elle a tout pour plaire et elle sait comment faire. Elle a trop de charme, beauté des enfers. Impossible de résister, tu peux rien y faire. Partout où elle passe, elle se fait jalouser. Elle a le truc qui leur fait effet. C'est bien qu'elle a tout pour les chambouler. Elle c'est une bombe, c'est une chétana. Elle prend ton cœur juste pour la night.